Stephen King aime David Bowie, Stephen King aime les techniciens de surface, Stephen King a scénarisé Contre-temps et tout un tas de gens l'ont réalisé. Un tas de gens l'ont réalisé. Écoute, qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Ils sont 36 sur cette merde. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comme toujours, salut. Salut, salut. Ça va ? Ça va, on n'a pas le temps, vas-y. Ouais, ah oui, on vieillit, c'est ça nous. Très bien, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Contre-temps ou Compte à rebours, des fois en France, en tout cas Golden Years en VO, une série, on va y revenir, c'est un peu compliqué, la distribution, qui est la première que King ait scénarisée. Ça a été diffusé en 91 sur CBS pour la première fois. Nous allons spoiler la fin ou les fins, voilà, c'est compliqué, mais je propose qu'on y aille tout de suite. On y va ? Eh bien, allons-y, on n'a pas le temps. From the master of mystery, Stephen King takes you on this summer's most shocking journey. What is wrong with my husband? Something happened to him. When a man discovers there is something more frightening than growing old. You don't look the way you did 2 weeks ago. You look the way you did 2 years ago. Growing young. I could disappear without a trace. Who's gonna help us? Stephen King's masterful thriller, Golden Years, premieres Tuesday. Alors, Golden Years, ça nous raconte l'histoire de Harlan, un vieillard de plus de 70 ans qui travaille comme technicien de surface pour la boîte, une branche scientifique secrète du gouvernement, et qui un jour va être impliqué dans un accident, une explosion lors d'une expérience, et il va se rendre compte qu'il commence à rajeunir. Et des gens vont s'en rendre compte autour de lui, ce qui va le mettre en danger, parce qu'on veut faire des expériences sur lui et empêcher que le grand public soit au courant. La série part d'une idée que King avait notée en réserve depuis un moment, qu'il prévoyait peut-être pour un roman, mais sans la développer. Et finalement, il va décider de travailler sur le format série quand il se rend compte que la télévision commence à tolérer ce genre de proposition un peu cinéma de genre, justement. Oui. Notamment après la diffusion de Twin Peaks, qui est peu avant le développement de Golden Years. Il va écrire lui-même les 5 premiers épisodes, puis au moment de scénariser les 2 derniers, en fait, il en fait le synopsis détaillé, mais ils sont vraiment écrits par Joseph Anderson. L'intention de base, c'était qu'il y ait une suite à la série, et c'est pour ça que la fin va être un peu étrange. En fait, la fin original tel que diffusé sur CBS, mais qui n'a quasiment jamais été rediffusé depuis, c'est complètement un cliffhanger, avec l'épouse du héros qui meurt, et le héros qui est pris dans l'incendie d'une maison. Ouais. Sauf qu'au moment de préparer la série pour un support physique, aux États-Unis, déjà, il va être décidé de remonter la série de manière à la raccourcir, d'en faire un téléfilm d'environ 4 heures, là où les 7 épisodes mis bout à bout, ça dure plutôt 5h30. Mm-hmm. Donc il y a pas mal de coupes. Et il y a une nouvelle fin qui est retournée expéditivement pour amener une vraie conclusion. On en reparlera, hein, vraie conclusion, on va mettre des grosses guillemets quand même. Oui. Et du coup, la diffusion française est un peu étrange parce qu'il y a les 2 formats qui ont été réédités. toi, donc, tu as vu la version en téléfilm d'environ 4 heures. Ouais, la version de deux téléfilms de 1h58 chacun. Voilà. Tandis que moi, j'ai vu la version en 7 épisodes de 40 minutes chacun, enfin 45 minutes chacun même plutôt. Et le premier épisode fait 1h30, donc il y a même eu une version en 8 épisodes où chaque épisode fait vraiment 45 minutes. Ouais, mais pour le coup, les deux découpages de version série, c'est la même durée. Ouais, c'est ça. Alors que moi, j'ai perdu une heure de programme, et j'en suis bien content. Ouais, t'as perdu même plus d'une heure, t'as de la chance. Mais par contre, j'ai quand même la fin, la deuxième fin, moi. Parce que j'imagine que pour le support physique français, ils ont quand même collé la fin... réelle, enfin là où il y a une réelle conclusion, on va dire. Et donc j'ai pas la fin originale américaine que je n'ai réussi à trouver nulle part pour le coup. J'ai pas réussi à la voir. La fin disparition magique. Ouais, j'ai la fin disparition magique. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, justement j'ai ça. J'ai pas la fin où c'était censé se terminer dans la maison des hippies en feu. D'accord. C'est la maison qui est en feu, pas les hippies. Donc voilà, c'est un peu le bordel au niveau des différents formats disponibles. Ce qui fait que du coup, on a tous les deux vu une version qui se termine sur une note optimiste, là où la fin originale était plutôt pessimiste, vu que c'était censé avoir un cliffhanger. Ouais. Pour parler d'un nom qu'on a évoqué rapidement, donc le co-scénariste sur les deux derniers épisodes, Joseph Anderson, il avait travaillé sur plusieurs séries à l'époque, mais c'est plutôt après Golden Years qu'il va prendre son envol comme producteur et scénariste, sur deux séries principalement, Dr. Quinn, Femme médecin, et Sliders, Les mondes parallèles. Ah! Voilà, j'ai vu aucune des deux. Très bien, Sliders, Les mondes parallèles. Ouais, Dr. Quinn, Femme médecin, ça... J'ai l'impression que ça a été un classique des après-midi pendant une période, mais ça a l'air... Oui, sur M6. À peu près à la même période que La Petite Maison dans la Prairie, ce genre de show, quoi. Je le mettais dans la même ambiance, ouais. Docteur Quinn, Femme médecin, j'ai des épisodes que j'ai vus quand j'étais gamin, parce que mes grands-parents regardaient ça à la télé, mais voilà, pas plus, quoi. Pour le coup, vu que ça passait, celle-là, j'ai vraiment aucun souvenir de l'avoir vue à la télé, moi. C'est peut-être un peu vieux. Ça passait le samedi ou le dimanche à l'heure du miam, quoi. Donc à l'heure du... pas du dîner, du repas. Donc fatalement, voilà. Je regardais ça. Ouais. Parce que j'avais pas trop le choix, quoi. Très bien. Donc on va parler des réalisateurs sur la série. Donc il y en a que 4 en réalité. J'ai un peu abusé, mais il y en a 4 quand même. C'est beaucoup pour une série en 7 épisodes. Kenneth Fink fait... Alors, je parle en prenant la numérotation en 7 épisodes. Oui. Donc, Kenneth Fink a réalisé le premier. C'est un réalisateur sur plein de séries, même si dans l'ensemble, il ne fait qu'un épisode ou une petite poignée par-ci, par-là, à l'exception des Experts, où il a réalisé 51 épisodes en 10 ans. Et il est d'ailleurs producteur exécutif sur la série. J'imagine que c'est un truc qui lui a été donné au bout d'un moment, justement, de par son statut de réalisateur important dessus. Mm. Alan Coulter réalise les épisodes 2, 4 et 6. C'est le réalisateur du film Hollywoodland sur la mort de George Reeves, l'acteur qui a joué dans la première série Superman dans les années 50, et donc à ne pas confondre avec Christopher Reeve qui a aussi joué Superman, mais dans des films. Oui. Et il a aussi scénarisé Remember Me, sinon à la télé il a été sur des séries comme Les Sopranos ou Broadwalk Empire par exemple. Stephen Tolkien réalise un épisode, le 5. Il est scénariste sur l'adaptation de la série de romans L'Épée de Vérité en série télé. La série est chapeautée par Sam Raimi, mais ça a l'air quand même affreusement cheap. Ouais. Sinon, il est impliqué sur des trucs comme Somewhere Between, Taxi Brooklyn, Summerland. Il réalise toujours de temps en temps, mais c'est pas vraiment son activité principal. Il écrit pas mal aussi, il écrit pas mal de trucs. Il est le réalisateur scénariste d'un film appelé Mon fils harcelé jusqu'à la mort. Voilà. Oula, c'est quoi ce titre, Ça a l'air bien. Oh la vache. Ouais. Et le dernier réal qui fait les épisodes 3 et 7, c'est Michael Gornick, dont on a déjà parlé vu que c'est le réalisateur de Creepshow 2 et le directeur photo de Creepshow. D'accord. Au casting, dans le rôle d'Arlan, il y a Kes Sraba... Il y a Kis Zarabashka, j'imagine, qui joue le complice du personnage de Kevin Costner dans Un Monde Parfait, donc il meurt assez vite parce que il est complètement psycho et Kevin Costner le tue. Mais bon, c'est le meilleur truc que j'ai vu dans sa filmographie que je connaisse, quoi. Ouais. Après, admettons, il a joué dans pas mal de trucs qui ont bonne réputation et que j'ai pas vu. Par exemple, il joue Daniel Holtz dans Angel. D'accord. Tu sais qui est Daniel Holtz dans Angel ? Je n'ai jamais vu Angel, donc... Bah voilà, manquez-vous dans ce cas-là. et il joue aussi Donatello dans Supernatural. Je savais pas qu'il y avait eu un mix avec les Tortues Ninja, mais soit. Donatello dans Super... C'est qui, Donatello dans Supernatural ? J'en sais et rien. Pourtant... Attends, parce que ça m'intrigue. Supernatural, j'ai quand même vu au moins 10 saisons, quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Ah oui. Ah mais d'accord, il apparaît dans la saison 11, fatalement. Ah, voilà, c'est... donc t'as vu 10 saisons, tu t'es... même toi tu t'es pas assez obsédé pour voir Donatello, d'accord. Non, c'est parce que je me suis arrêté, vraiment, il y a un moment où il y a eu un arc très principal dans la série qui s'est achevé, et du coup j'ai pas continué, alors que la série continuait sur un nouvel arc. Mais moi je me suis arrêté où il y avait, c'était une fin en fait, là où je me suis arrêté. Et juste que ouais, la série a continué d'accord. Après sur quelques autres saisons encore. Il y a eu 15 saisons, hein, je crois, de Supernatural. Ouais, mais je crois que ça, c'est... Enfin, c'est pas une série qui est réputée pour baisser assez vite en qualité. C'est une série où tu continues parce que t'as de l'attachement au personnage, mais oui, effectivement, ça baisse un peu en qualité. Mais il y a toujours des épisodes qui arrivent à sortir un peu du lot quand même. D'accord. En fait, c'est marrant parce que c'est le genre de série, un peu comme X-Files par moment, où... sur certaines saisons, les épisodes HS sont plus intéressants et fun que les épisodes liés au lore. Voilà. Bah peut-être parce qu'ils ont du mal à retrouver un fil rouge quand ils sont partis du principe qu'ils devaient avoir conclu depuis 10 ans, quoi. Ça joue peut-être. Ça joue. Et dernier truc de cast un peu rigolo pour Zara Bashka, c'est lui qui double Gilgamesh dans à peu près tous les trucs liés à Final Fantasy depuis une dizaine d'années aux États-Unis. D'accord. Terry, donc une agente du gouvernement qui va les aider, est jouée par Felicity Huffman, qui a fait pas mal de, de théâtre en début de carrière, donc à l'époque où elle joue dans Contre-temps, qui est un de ses premiers vraiment rôles en série. Elle a joué dans la série Spurt Night, et moi je la connais surtout parce que c'est elle qui joue Lynette dans Desperate Housewives. Oui, exact. Elle a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice et a été nommée à l'Oscar pour son rôle dans un film qui s'appelle Transamerica, dans lequel elle joue une femme trans qui retrouve un enfant dont elle ignorait l'existence. Apparemment, le film est plutôt bien. Voilà. Ok. Et elle est dans toutes les saisons d'American Crime, mais qui est une série du même style que American Horror Story, c'est-à-dire qu'à chaque saison, ça change d'histoire. Donc oui, elle joue oui, un oui. rôle différent dans chaque saison. La première saison est centrée sur l'affaire O.J. Simpson et ainsi de suite, je crois. Gina est jouée par Frances Sternhagen. Donc Gina, c'est la femme de Harlan, qui est décédée le 27 novembre 2023, donc assez récemment, qui jouait déjà dans Misery, on a déjà parlé d'elle, elle jouait la femme du shérif, et dans The Mist, elle jouait la vieille prof. Oui, exact. Donc c'est une actrice qu'on a déjà croisée. Le général Cruz, qui est un semi-allié, on va dire, le patron de la boîte, mais qui va aussi rejoindre un peu le bon camp en voyant que la boîte fait n'importe quoi, est joué par Ed Lauter, qui joue Joe Camber, donc le père de l'enfant propriétaire de Cujo dans Cujo. Lui, il est décédé en 2013. Jude Andrews, l'antagoniste principal, est joué par R.D. Cole, qui a une carrière de second voire de troisième rôle, dont pas mal de fois aux côtés de Sean Penn. Il devait être pote avec lui parce qu'il est dans plein de projets sur lesquels il y a Sean Penn, mais des fois dans un tout petit rôle. Et lui, il est décédé en 2020. Ce qui me fait dire que quand même, cette série ne porte pas chance à ses acteurs, visiblement. Effectivement. Et le docteur Todd Hunter, le scientifique fou, est joué par Bill Raymond, qui joue un rôle secondaire dans un film appelé « Lui et moi ». Le remake ouest-allemand de Moi et lui, un film italien qui adapte le roman Moi et lui de Moravia sur l'histoire d'un mec qui dialogue avec sa bite. Voilà. Camoulox. Voilà, c'est ça. Le roman est vachement bien, pour le coup. C'est un très bon roman. Je suis pas sûr de vouloir en voir le remake ouest-allemand, mais c'est peut-être bien quand même. Hein. J'ai peut-être des a priori. Ah oui, c'est pas parce que c'est ouest-allemand que fatalement. c'est mieux dans l'ensemble ouest-allemand que est-allemand, déjà. Oui, déjà. Là, je serais vraiment inquiété, mais voilà. Il joue le grec dans la saison 2 de The Wire, donc un des... un peu un des boss des réseaux dans la saison 2. Oui. Il a été pas mal actif sur scène aussi, puisqu'il a joué Scrooge pendant 17 ans dans une mise en scène d'un conte de Noël. Et dans les années 70-80, il faisait partie d'une compagnie de théâtre expérimentale appelée Mabou Minds. Expérimentale, je veux bien le croire, puisque un des membres fondateurs, en fait, le seul que je connaisse vraiment, c'est Philip Glass. Ah oui, effectivement. La photographie est d'Alex Nepomniachtchi, qui, malgré des films dont Poltergeist 3, Dance With Me avec Antonio Banderas, Narc, College Attitude et d'autres trucs indés, il est aujourd'hui surtout actif à la télévision dans différentes séries télé. La musique est de Joe Taylor, qui n'a pas fait beaucoup de BO, mais plutôt des albums à côté, un peu rock. Je t'avouerais que j'ai essayé d'écouter pour voir ce qu'il faisait, j'avais l'impression d'écouter du easy listening, libre de droit, ou du rock pour comédie romantique des années 2000. Ouais. Et sa BO, elle est pas ouf, hein, quand même. Sur la série, on dirait... En fait, la moitié du temps, on dirait des riffs de guitare qui ont été improvisés et qui ont rien à foutre là. Oui, c'est ça. C'est très étrange comme BO. C'est vraiment c'est pas très bien. Pas étrange comme série. Oui, c'est pas faux. Ah. La série a actuellement 2,9 étoiles sur Allociné, ce qui la placerait à égalité avec 1408, la série The Mist et Darkseid, les contes de la nuit noire. Et j'ai dû prendre la note IMDB parce que ben voilà, il n'y avait pas de note Rotten Tomatoes, mais il a 5,2 étoiles sur IMDB, ce qui remis en score Rotten Tomatoes, pardon, le placerait grosso modo 30e. Entre Histoire de Lisée et Le cimetière de Marie Lambert. Mais voilà, blague. Du coup, c'est très flou, forcément. Mais voilà, bah, King n'a pas beaucoup reparlé de ce clair échec dans sa filmo. Donc, en fait, oui, il avait redemandé, j'ai pas développé plus que ça, mais il avait demandé à pouvoir faire plus d'épisodes, au moins pour conclure. Mais ça lui a été refusé parce que les scores d'audience n'étaient vraiment pas bons. Donc, voilà, ça a été un peu enterré comme histoire. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on cite les œuvres télévisuelles de King, où on cite pourtant des trucs pas très bien, celle-là, elle est quasiment tout le temps oubliée. Avant le tirage au sort, j'en avais jamais entendu parler, personnellement. Moi, j'avais totalement oublié que ça existait, alors que j'avais bien dû faire le papier à un moment, pour te dire. Bah oui, fatalement. Allô? Louis, il faut vous réveiller, on a un problème. Sérieusement? Je ne serais pas à 1 km de la base au milieu de la nuit si ça n'était pas. Qu'est-ce que vous pensez de votre téléphone? Je ne sais pas trop, mais je vais me poser la question. Vous savez comment on joue au baseball? Non. Enfin oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous allez à un autre téléphone et vous m'appelez exactement dans 1 heure. Vous êtes prêts pour les chiffres? Attendez. Ça vient? J'écoute. 9 sur le banc, 5 points pour 12 tentatives, 6 erreurs, 4 hommes encore sur leur base et pour l'autre équipe, 8 points sur 13 tentatives, 12 erreurs, 5 hommes sur leur base et la grande vedette, c'est le 12. Vous avez noté? Oui. Pour être très franche, ce numéro du coup de téléphone me tape sur les nerfs. Eh bien, c'est un vrai numéro. Mais donc, on va passer à nos avis. Je te laisse commencer. Le personnage rajeunit et toi, tu vieillis tellement c'est long. Voilà. Je comptais la faire, tu m'es passé devant, mais voilà. C'est une série qui réussit le tour de force d'être aussi long et ennuyeux que les séries modernes, tout en ayant le budget des séries, des vieilles séries. C'est marrant quand même. Ouais, je suis assez d'accord, c'est pas très bien, on sent qu'il n'y a pas de budget, donc tout ce que ça veut faire, ça sonne cheap, c'est très très long, ouais. Ça, tout s'éternise, Ça insiste des fois sur des personnages secondaires qui vont avoir pendant toute la série en réalité des sous-intrigues dont on n'a rien à foutre, ouais, avec totalement. Des rebondissements totalement lunaires. Mmh. Ça n'arrive pas à trouver son ton, parce que des fois ça essaie d'être sérieux et des fois en même temps c'est très rigolard, comédie, limite un peu pouet-pouet. Ouais. Peut-être que le doublage français rajoute quelque chose, parce qu'il y a des acteurs qui ont l'air de prendre ça totalement par-dessus la jambe. Alors, sache que ma version ne comprend pas le doublage français, je ne l'ai qu'en anglais. Ah ouais ? Tandis que moi, oui. Je l'ai qu'en VF. Ah ! Moi, je ne l'ai qu'en anglais, sous-titré français. Ah ouais, donc moi, j'ai eu le droit à la version française, et notamment celui qui double le général, mais t'as l'impression qu'il est, il a fait ça 5 minutes en passant et que tous les problèmes lui passent par-dessus la tête. C'est « Ouh là là, quelqu'un essaie de me tuer. Sinon, ne voudriez-vous pas sortir avec moi, madame ? Vous avez tout de même un fort joli postérieur. » Enfin, il est comme ça pendant toute la série, c'est incroyable. Ah la vache, cette série. Non mais parlons-en, tiens, du général. On va picorer la série par-ci, par-là. Est-ce que c'est normal que le général est Perry ? Et Terry ? Terry ou Perry ? Perry. Alors, le général gentil, tu veux dire ? Oui. Cruz. Terry non, Cruz, le, je non, crois. Mais le, oui, Cruz, mais lui d'accord, mais la femme, c'est Perry ou Terry ? Ah, oui, c'est Terry, pour le coup. Est-ce que c'est normal que, durant tout le premier temps de la série, à chaque fois qu'ils se rencontrent, t'as l'impression de voir un début de film de scène porno ? Mais tous les personnages la draguent, hein, je l'ai noté à un moment. C'est tous c'est les incroyable, personnages, quand la voix, ils lui font une remarque sur son physique. À un moment, vraiment, genre... Ils sont en train de mener une enquête sur l'explosion dans les labos. Elle s'allonge sur le canapé. Lui, il manipule un peu sa caméra. T'as un début de musique, mais full film porno. Et il est en train d'observer et de l'observer sous tous les angles via la caméra. Tu fais, mais qu'est-ce que je regarde ? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Le personnage est sexualisé à mort. Il va la sortir ou qu'est-ce qui se passe là ? Et ça revient souvent en plus. Hein. Ça revient à d'autres moments. Au moins, ça aurait rajouté un peu... Ça aurait réattiré mon attention, quoi. Mais bon. Bah, ça revient d'ailleurs à la toute fin. Enfin, dans la toute fin qu'on a, nous. La dernière réplique, c'est littéralement elle qui lui dit « Et si on se voyait en dehors du boulot ?» Oui. Ah oui, oui. Sinon, du coup, l'histoire du petit vieux, là, qui rajeunit. Bon, dans le fond, c'est pas si nul. C'est juste qu'on n'en fait rien. C'est vraiment ça le problème, en fait. Oui, bah tu sens qu'il y avait un peu le rêve de faire quelque chose en 50 saisons pour pouvoir bien développer ça. Mais du coup, en l'état, lent. Ça va très lentement et ça en fait rien. Ah, c'est trop lent. Mais ça aurait pu. Mais vraiment, ça aurait fait un bon roman, par contre, j'en suis persuadé. Oui, clairement, ouais. Il y a un personnage qui travaille pour un groupuscule gouvernemental. Ça fait beaucoup penser à la boîte de Charlie. Je pense que c'est la même boîte. Ça a le même nom et je crois qu'à un moment, Rainbird est évoqué. Non, parce que dans Contretemps, ça s'appelle la boutique, The Shop, ils appellent ça. C'est aussi The Shop en VO, la boîte. Ah oui ? En Charlie, ouais. Ah, donc c'est pas le même organisme, d'accord. Parce qu'il y a vraiment Rainbird qui est mentionné à un moment, donc je pense vraiment que c'est le même organisme. Ah, j'ai complètement oublié la mention de Rainbird. Ouais, elle passe... Ah, après, tu l'avais peut-être pas, du coup. Oui, c'est vrai. C'est compliqué de savoir, vu que t'as vu une version où il manque des scènes. C'est vrai. Du coup, on a cet agent de la boîte, de la boutique, qui vraiment, dès qu'il est en contact avec un autre personnage de la série, c'est soit pour le tuer, soit pour faire du passif-agressif. Vraiment, sa fonction première, c'est tuer les gens ou être menaçant. C'est tout. Mais du coup, c'est un très très mauvais agent du gouvernement parce qu'il laisse quand même une traînée de sang derrière lui. Au bout d'un moment, ça se voit, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais la Surtout fin... qu'il y en a, il y va pas subtilement. Hein. Ah bah non, bah rien que la fin. Il shoot des hippies en pleine rue, il s'en bat les couilles. Oui. Enfin, je sais bien que c'est la période Reagan, mais quand même à l'époque, ça faisait un peu de bruit. Ah oui, quand même. C'est n'importe quoi. Il y a un scientifique fou, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. Le mec est complètement chez père. C'est vraiment... C'est le professeur Brown de Retour vers le futur, mais sauf que lui, tu lui confies des vrais trucs, quoi. Ça peut faire peur. Il y a un peu de ça. Enfin, Brown qui avirait sérieusement psychopathe, quand même. Hein. Le mec te fait péter des labos toutes les 3 semaines, quoi, et pourtant, il est toujours là. Oui, en plus, il fait chaque fois la même erreur. Chaque fois, son erreur, c'est de pas tenir compte d'un voyant de sécurité. Il fait exactement la même erreur au début de la série, ce qui lance l'intrigue, et à la fin. Oui, les protocoles de sécurité, il en a rien à foutre. Il sent oui. Carl Oignon. Et à la limite, tu vois, qu'on lui dise rien du fait qu'il soit limite au niveau éthique. Ça, je veux bien comprendre qu'une agence gouvernementale en ait rien à faire s'il y a des victimes, oui. Etc. Donc ça, ok. Mais la somme qu'il doit coûter pour des résultats visiblement complètement nuls... Ah oui. Au bout d'un moment, ça, il devrait être viré quand même, tu vois. Ah oui. Donc oui, c'est très bizarre que ce mec travaille toujours. Et il a certaines des scènes... encore une fois, je sais pas si elles ont été coupées chez toi, mais moi, il y a tout un épisode où l'arc de ce personnage-là, c'est qu'il attend une rallonge. Mais une rallonge, la prise. Ah non, j'ai pas eu ça. Moi, il y a au moins, ça doit être au moins 5-6 minutes réparties sur un épisode où il veut brancher un truc et où les deux câbles sont pas assez longs. Donc il demande une rallonge, on lui amène une première rallonge, il l'envoie chier le mec qui lui livre la rallonge, qui n'est pas assez longue, donc il est obligé de demander une deuxième rallonge. Et après, on lui fait signer plein de documents pour valider qu'il a bien eu une deuxième rallonge. Ça dure au moins 5-6 minutes. Et en soi, dans une série comique, ce côté étirement, ça pourrait être drôle. Oui, sauf que je suis censé être dans un truc un peu sérieux. C'est ça le problème. Parce que là, comment tu me le racontes, ça fait très les 12 travaux d'Astérix. Il y a un peu de ça. Sauf que comment tu veux prendre les enjeux au sérieux quand j'ai tout un épisode où l'arc d'un personnage, c'est d'avoir une rallonge. Ah la vache, avec des personnages inutiles, mais il y en a tellement. Ben, c'est simple, le personnage le plus touchant, finalement, je trouve, c'est la femme du nettoyeur. Voilà, c'est peut-être le personnage le plus touchant. Elle oui. prend la situation telle qu'elle, elle est totalement perdue, mais c'est logique qu'elle le soit. L'actrice, je trouve, joue plutôt bien, pour le coup. Toi, t'avais pas du tout la VO chez toi ? Non, pas du tout. Ah oui, voilà. Donc l'actrice joue vraiment plutôt bien. Ben, remarque, le personnage principal se démerde bien aussi, l'acteur principal. Mais je trouve que c'est le personnage le mieux écrit de la série, finalement. Oui, sa femme. Son arc est un peu intéressant, pour le coup. Et puis, il y a une scène un peu touchante, tu sais, quand ils décident de se séparer, que elle et Terry montent dans le bus, et du coup, ils se disent au revoir à l'extérieur, là. La scène est plutôt mignonne. Bah oui, et puis j'aime bien, en fait, son parcours, au final, c'est qu'elle voit son mari rajeunir, tandis qu'elle sent vraiment les affres de la vieillesse. C'est vraiment intéressant. Alors ça, cet aspect-là est à peine effleuré hein, dans ma version. Alors moi, ça l'est quand même dans quelques scènes, pour le coup, où elle voit son mari qui regagne de l'énergie, aussi qui recommence à attirer les regards sur lui. Et ça la touche parce qu'elle, elle sent qu'elle est... de plus en plus proche de la mort. D'ailleurs, oui. Dans la version originale, elle devait mourir à la fin. Oui, oui. De vieillesse, genre. Enfin, de vieillesse et d'épuisement dans l'incendie. Elle devait pas réussir à s'en sortir, a priori. Oui. Après, le côté épuisement, t'as ça dans la fin qu'on a, nous, du coup. Quand il s'extirpe du tunnel, elle en peut plus, quoi. Ouais. Et Terry et le personnage principal, j'ai oublié son nom, qui... Arlan, qui l'apporte. Il y a un passage totalement lunaire... Chez moi, peut-être que toi, le personnage développe des espèces de pouvoirs tôt. Mais chez moi, il y a un moment, on est à une heure et demie du second téléfilm, donc vraiment, on en est quasiment à la fin. Et tout d'un coup, il est transporté par un camionneur, il s'endort, et le fait qu'il s'endorme, ça crée un tremblement de terre, il y a le soleil qui revient alors qu'il fait plein nuit, je fais « mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, ça pour le coup, il te manque pas. Enfin, t'as pas de scène qui te manque autour de ça, c'est tout aussi brutal dans ma version. D'accord. Je dis, mais ça sort d'où? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un épisode ou comment ça se passe? C'est très bizarre. Je sais pas trop où il voulait aller, quoi. Ah si, il voulait aller à une saison 2. Lol. Oui, mais bon, ils auraient pu faire les choses beaucoup plus subtilement. Et ça? En fait, ouais, j'ai l'impression que King a regardé beaucoup de... a voulu amalgamer beaucoup de séries diverses, et en effet, ça aurait peut-être fonctionné en roman, mais du coup, là, ne serait-ce qu'au niveau du ton, il y a un truc qui fait qu'on peut jamais le prendre au sérieux. Ah oui, c'est ça. Mais oui, tout prend trois plombes. L'accident, il met longtemps à arriver. Chez moi, le tout premier accident, ouais. Chez moi, il arrive en 20 minutes. Bah oui, chez moi, c'est plus long dans mon souvenir. Ah ouais ? Ouais. Parce que moi, le film s'ouvre sur l'expérience justement qui capote. Alors ça s'ouvre aussi plus ou moins sur ça chez moi, mais elle dure 3 ans l'expérience. Ah oui. Parce que tu le vois qui arrive, tu vois Arlène qui arrive, qui doit passer les périmètres de sécurité, qui parle à son collègue un peu simplé là. Ouais. Ouais, chez moi ça doit prendre 20 minutes, quelque chose comme ça. Allez, peut-être 30, grand max. Ouais, après c'est long. Si ça se trouve, c'est comme ça chez moi, mais oui, j'ai trouvé ça très long, hein, tout ce début, moi. Qui est quand même long et poussif, attention. Et à côté de ça, effectivement, il y a des énormes raccourcis qui marchent pas du tout un peu partout, quoi. Mm. Ne serait-ce que quand sa femme entre dans sa chambre à l'hôpital militaire. Genre, il n'y a aucune sécurité, quoi. C'est censé être un truc de haute surveillance. Il y a une mamie qui court, c'est bon, ça passe. Il y a un moment ultra cringe quand l'infirmière doit le laver. Ça dure 3 plombes. Et lui dit oh bah non, vous allez pas me laver là quand même. Bah si, c'est mon métier, monsieur. Des endroits, moi je préfère me laver tout seul. Vous ne pouvez pas atteindre ces endroits-là, monsieur. Oui, mais ma femme. Non, c'est à moi de le faire, monsieur. Ça s'arrête jamais. Oui, c'est potache, quoi. C'est potache, c'est cringe surtout. Au bout d'un moment, c'était la mode à l'époque. Toi-même, t'es mal à l'aise, quoi. Quand tu vois la scène, tu fais de m'arrêter maintenant, s'il vous plaît. Bon, et puis du coup, ils en profitent carrément pour prendre une douche entre eux. Tu fais, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est la scène totalement gratuite pour montrer leur relation. Je vois ce que ça veut dire, tu vois, pour montrer qu'ils sont toujours bien ensemble, mais ça, c'est très maladroitement fait. Pour moi, le fait qu'elle s'inquiète seconde une après avoir reçu le coup de fil comme quoi il y a eu un problème au labo, voilà, ça suffit pour me montrer qu'elle tient à lui, quoi. Oui. En même temps, c'est vrai qu'ils sont ils sont vraiment pas rassurants, quand même. Les militaires et tout, oui, effectivement. Ne vous inquiétez pas, il s'est rien passé. Je peux avoir des nouvelles ? Non. Je peux le voir ? Non. Bah alors ? Comment ça, il s'est bien rien passé ? Bon, après, pas de la faute de la série, mais il y a un moment, ça parle de paupières dilatées, et moi, maintenant, on me parle de dilatées, c'est bon, j'ai Bruno Le Maire en tête. Je pense que ce mot est foutu à vie dans mon esprit. Au moins, maintenant, il a des yeux qui brillent dans la nuit, et ça, c'est pratique. Oui, pour lire. Oui. L'effet est dégueulasse, mais bon, pratique. Ouais. Il y avait, je sais pas quel était le budget, mais il était clairement pas énorme, et tout est passé dans les explosions, à mon avis. Quelles explosions ? Enfin, ouais, chez moi, il y a 2 scènes d'action, le labo qui foire et la fusillade à la fin. Oui, c'est genre... à peu près ça, de quoi engloutir un budget. Hein. Ah oui, enfin bon. Tout péter, ça fait 10 minutes sur 4 heures. Ouais. C'est long. En fait, c'est ça le problème. C'est long. Oh ouais, j'ai assez peu de notes par épisode parce que globalement, ça va assez vite se résumer. Ils vont mettre longtemps à partir en réalité aussi. Oh, il se passe rien. Ils vont mettre une plombe à partir, mais l'idée, ça va être Andrews qui tue tout le monde pour faire silence et Terry qui fuit avec Arlan et Gina. En gros, c'est ça. C'est ça. Oh, mais l'autre il tue tout le monde, mais la discrétion du mec, quoi. Ouais, genre, déjà, même l'ophtalmo, j'ai pas compris pourquoi il tue l'ophtalmo. Bah, moi non plus. L'ophtalmo, il a juste constaté que la vue s'était potentiellement améliorée, mais il va pas en déduire des trucs totalement. Et enfin, il va pas de là déduire que Arlan est en train de rajeunir, c'est débile de le tuer juste parce qu'il a vu ça. Et puis surtout que je pense que médicalement, des petits miracles comme ça, ça doit bien arriver, c'est très rare, mais ça doit arriver. Bah, ou en tout cas, en fait, je pense qu'un médecin, ça a tellement une tendance à la rationalité que ça trouverait une explication rationnelle, quand bien même il n'y en a pas. Bah oui. Et puis même, quand il bute le sergent, là, sur le ferry. Oui. Il l'assomme et il fout la bagnole dans l'eau, mais c'est pas discret. Genre, le mec, tu sais qu'il est lié à une affaire et tu le butes comme ça, froidement. Ouais, et puis c'est un militaire. Hein. À mon avis, un militaire qui meurt dans un accident, il y a une enquête. Il y a une enquête, quoi. C'est vraiment bizarre, cette propension à vouloir tuer tout le monde avec ce personnage. C'est très étrange. Non, il est pas très doué. Et il a une moustache bizarre, en plus. Personne n'est très doué. Mm. Oui, parce que Terry ne l'est pas beaucoup plus, hein. C'est censé être les deux meilleurs de leur département, mais les techniques de fuite de Terry, on y reviendra, c'est pas ouf. Oui, ils sont tous totalement nuls là-dedans. Alors, à la limite, le seul truc, je sais pas si tu l'as eu, le moment où elle communique avec le général Cruz en indice de baseball. Oui, enfin bon... Je me dis que ça marche parce que je comprends rien au baseball, donc j'ai rien compris à l'indice, donc c'est bon, c'est un message codé, pour moi c'est cohérent. Oui, mais vu que juste avant elle lui dit « Tu sais jouer au baseball ?» Oui, donc, bah du coup le mec qui écoute, il sait très bien que c'est lié au baseball, donc oui. il va enquêter. Que, vu qu'aux États-Unis c'est un peu un sport culte, voilà. Limite c'est dans les gènes de savoir jouer au baseball, je crois. Donc oui, à ce niveau-là, c'est un peu con. C'est un peu con, quoi. Il y a le journaliste qui est tué aussi par Andrews. Pareil, tu sais pas trop pourquoi, finalement. Le journaliste, bah, il prend des photos du meurtre de l'opticien. Bah oui, c'est normal, c'est parce qu'il a prévenu... C'est lui qui a prévenu Spawn, non? C'est lui qui a prévenu Terry? Ah, peut-être, oui, enfin bon. Mais bon, c'est pas une raison pour le tuer non plus. Et encore une fois, la mort violente d'un journaliste, à mon avis, il y a enquête. Bah oui, ça aussi. Il est quand même peu efficace. Ouais, bah d'ailleurs après il va tenter d'expliquer que c'est le Harlan qui a tué le docteur, l'ophtalmo, avec un mensonge tout pété. Ah oui. Il est sénile, il voulait garder son travail. Ah oui, voilà, c'est ça. Gina. Est-ce que ça va, ma chérie? Ça va bien, mais laisse-moi tranquille quelques minutes. Qu'est-ce que tu as? Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas ce que je dis? Gina, dis-moi ce qu'il y a. Tu ne vois donc pas ce qui ne va pas, non? Je suis vieille. Je t'en prie, ne me regarde pas. Je suis vieille. Allons, Gina. Je ne me suis jamais sentie vieille avant. Parce que on a toujours vieilli ensemble. Et aujourd'hui, je suis vieille. Oui, je suis vieille. Chut, allons. Je suis vieux aussi, moi je vais avoir 72 ans. Non, ça n'est pas vrai, tu te trompes, chérie. C'est aujourd'hui ton anniversaire. Ah non, tu as tort, là, Oui, c'est aujourd'hui. Et disons que tu as 65 ans. Gina... Tu crois que je suis aveugle? Tu ne crois pas que j'ai vécu avec toi suffisamment longtemps pour avoir une idée de l'âge que mon mari peut avoir? Aujourd'hui, tu as 65 ans. Et on célébrera un autre anniversaire dans une semaine. Tu n'auras plus que 60. Et ensuite, dans quelques temps, tu te retrouveras à 55 ans, Harlan. Parce que le processus ne ralentit Gina, pas, je le sens. Chérie, je suis simplement un peu bizarroïde sur les bords, c'est tout. Avoue que ça pourrait être pire. Je pourrais être changé en reptile humanoïde ou même en monstre de film d'horreur. Mais je suis un vieux débile. Avec le visage d'un homme mûr. Tu as vraiment l'air de croire ça. Oui, alors ça a peut-être joué dans mon peu d'attachement pour Harlan, c'est le fait que son arc pendant une partie de la série, ce soit de retrouver son travail et pas de profiter de sa retraite. Si ça avait été bien développé, pourquoi pas, hein, parce que King l'a aussi traité, dans mon souvenir, c'est un peu les effets de la vieillesse, c'est un peu dans Insomnie aussi, qui est un roman que je n'aime pas particulièrement, mais qui a des qualités. Ouais. Mais là, l'arc du perso, alors autant le major qui le reçoit est un connard avec lui, autant je suis d'accord sur le fond, quoi. Il a plus de 70 ans qu'il prenne sa retraite. Oui, mais après, il faut replacer le contexte, pour le coup, géographique. Oui. Bah, États-Unis, retraite, voilà, tout ça, quoi. Oui, je suis d'accord, mais là, ça essaie quand même de nous le présenter comme étant une vraie volonté pour lui de continuer à travailler, un vrai plaisir. C'est ça, parce qu'à un moment, il a la phrase « Un homme doit avoir un travail ». Bon, tu dis « ta gueule, Macron ». C'est un peu de comme tous les trucs qu'on voit régulièrement qui nous présentent des japonais et japonaises de 70-80 balais qui continuent à bosser. Oui, on nous le montre de manière mignon. Oh, regardez, c'est kawaii. Alors que non, c'est parce que sinon, en deux jours, ils sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de retraite, quoi. Voilà, c'est ça. Mignon, quoi. Voilà, j'ai du mal avec le fait de montrer ça comme une bonne chose. Après, ça aurait peut-être été relativisé dans la suite de la série, je sais pas, vu qu'il n'y a pas de fin. Mais oui, je suis. Dur de lire, du coup. Bah, c'est ça. C'est le problème. Il y a le major, enfin je sais plus son grade, mais complètement débile là, qui va suivre, enfin qui va obéir un peu à tout le monde, qui est un peu la victime de tout le monde. Oui, oui. Ah, c'est un des 150 comic relief de la série, quoi. Il s'est fait buter une balle dans le dos par l'autre con là. En même temps, il est pas très finaud lui aussi. Il voit qu'il y a une opération un peu secrète et il est dans la rue, il gueule ouais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouais, il essaie d'avoir un regain d'autorité mal placé. C'est ça. En personnage récurrent, bah, y a le collègue de Harlan, celui qui est un peu simplé et qui fait de la taxidermie. Oui. Donc bah, voilà, il sert pas à grand chose, à part à mettre Andrews sur la piste de Harlan à la fin en lui disant qu'il a une fille. Justement, c'est le dernier personnage qu'on n'a pas évoqué, je pense, la fille. Ouais, la fille aveugle du couple de protagoniste principal. Ouais. Bah, en même temps, elle apparaît, enfin chez moi, elle apparaît peut-être à, allez, il reste quoi, une demi-heure de métrage, quoi, quand elle apparaît, donc pas grand-chose, quoi. Ouais, tandis que moi, il reste deux, enfin, elle apparaît dans l'épisode 6, au milieu de l'épisode 6, donc il reste un bon épisode, quand même, après. Ouais. Mais, en effet, elle a pas vraiment sa place, à part les amener dans la communauté hippie. Tout le reste ne sert à rien, c'est pourquoi est-ce qu'elle est aveugle, est-ce que ça aurait eu un intérêt par la suite, ou c'est juste comme ça. Elle a au départ un côté très acab, mais qui n'est pas développé non plus dans la série, alors que ça aurait pu être intéressant pour la fuite de ses parents. Mais bah, voilà, du fait que c'est pas développé, c'est un personnage qui n'a en effet pas vraiment d'intérêt. Bah voilà, c'est ça. Les techniques de fuite de Terry, bah, ça fait très amateur en fait, c'est changer de véhicule, des trucs comme ça, mais on pourrait se dire elle est censée être super agente du gouvernement. Attends, changer de véhicule et changer de vêtements, attention. Oui. Ouais, enfin, elle est quand même censée avoir mieux. Hein. Je vais mettre un sweat à capuche, on va pas me reconnaître. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ça marche dans Assassin's Creed. Voilà. On va faire une diversion, on va partir chacun de notre côté. Enfin, lui et nous deux ensemble. Ouais, ce qui marche pas à partir du moment où tu fais circuler des photos. Ah oui, voilà. S'il y a pas les photos, c'est presque une bonne idée, mais bon, s'il y a des photos, voilà. Si, le seul bon plan à un moment, c'est quand ils sont dans le bus, là, qu'ils arrivent en ville. Tu sais que t'as un des agents qui les attend, fait genre de lire le journal, et du coup elle interpelle des mecs un peu baraques dans le bus et lui dit, il y a lui qui m'emmerde, et du coup ils vont... Oui, ça c'est, c'est une bonne idée. Ils y croient, et du coup ils vont interpeller le gars, et ça, comme ça elle en profite pour se barrer. Voilà, ça à la limite, oui, bonne idée de fuite. Et du coup c'est la seule. À un moment, il y a un flashback sur sa relation avec Andrews pour voir la mission où ça a dégénéré. Mais pareil, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de budget, donc c'est limité à une pièce toute pourrie. Ah, je l'ai pas eu, moi, ça. Ah, tu l'as pas? Ah, ah non, bah, ça, je l'ai pas. Ah, ça fait partie des scènes coupées. C'est évoqué, mais je l'ai pas. C'est évoqué, tu sais, qu'ils étaient... Je pourrais t'inventer des scènes, c'est ça qui est cool, en fait. C'est évoqué qu'ils étaient anciens collègues, que tout allait bien, jusqu'à un moment où il y a un truc qui est parti en couille, lui... a commis un massacre, c'est ce qui est dit. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Tout. Et dans la série, t'as des flashbacks autour de ça. C'est une mission dans un pays de Moyen-Orient, je crois. Enfin, un truc comme ça. Ok. King fait un caméo. Oui, chauffeur de bus. Du coup. Ouais. Oui, le chauffeur de bus, quand il se sépare. Ouais. Mais pareil, c'est un caméo visuel, il parle pas ni rien. Ouais, d'accord. Ah, si, moi, dans ma version, il parle... Ah, moi il dit rien. Il monte dans le bus. Même s'il a quelques dialogues pour râler, pour dire aux gens de monter rapidement, et du coup il y a Terry qui le menace de mort. Ah bon? Ouais. Ça va, très discret pour une agent. ouais, pour voilà. Une agent qui cherche à fuir. Pareil, j'ai tout un épisode où Cruz essaie d'effacer des données sur les ordinateurs pour pas qu'Arlan y ait accès, et ça dure super longtemps dans ma version. Ça, je l'ai. Il cherche le mot de passe, c'est « perroquet !» Et je me suis dit « Mais pourquoi perroquet ?» C'est ouais, ça ? Je sais pas. Ouais, mais c'est ça. Avec en parallèle, du coup, l'autre qui essaye lui aussi de trouver le mot de passe. À la limite, le parallèle mieux filmé avec une tension aurait pu être pas mal. Oui, sur une scène qui dure 2 minutes. Voilà, pas 3 plombes. Voilà, il y a une scène totalement lunaire où à un moment, l'autre con, là, celui qui a viré Harlan, là, il va voir Terry dans son bureau et on voit qu'elle a des espèces de marionnettes accrochées au plafond qu'elle se sert pour viser, pour s'entraîner au tir, mais j'ai rien compris. T'en souviens pas ? Je sais pas, oui, si. Mais je sais, en fait, c'est tous les trucs où je me dis de quoi... En fait, quelle ambiance King cherchait-il à retrouver en C'est fait. Ça. Et puis surtout, elle répond vraiment une phrase qui discrédite totalement le personnage qu'elle est censée être. Normalement, on est censé en voir de la de la sympathie pour elle. Et là, là, là, ouais, ça a coûté 10 millions de dollars aux gens, quoi. Parce que ça a été payé avec les impôts. Contribuables. Voilà, ça a coûté 10 millions de dollars aux contribuables. Mais normalement, c'est une réplique de connard, ça. C'est pas une réplique de personnage principal. Si ça se trouve, en fait, il a voulu imiter le ton de certaines séries, le ton un peu absurde de certaines séries de sa jeunesse, etc. Et du coup, il a transformé un bon, effectivement, projet pour un roman en quelque chose qui, en plus de durer trois plombes, est impossible à prendre au sérieux, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que le sujet du personnage qui rajeunit, ça aurait pu faire des vrais sujets intéressants, quoi, en termes de développement. Oui, le c'est ça. Le fait que toi tu rajeunis alors que ton entourage continue à vieillir, typiquement le personnage a une fille. Au bout d'un moment, il serait devenu plus jeune que sa propre fille. Tu vois, ça crée des sujets intéressants et des questionnements intéressants. Et bah voilà. Voilà à quoi ça a servi. Même si, vu la vitesse à laquelle il a l'air de rajeunir, parce que la série se passe relativement peu de temps, ça aurait pas été un truc qui aurait pu durer 50 saisons, en fait. De base, l'idée d'en faire un truc durable était peut-être pas une bonne idée non plus. Et puisqu'il rajeunit quand même relativement vite. Ouais. Et tout indique, avec l'emballement de ses pouvoirs à la fin, qui est totalement subite, que ça devrait devenir de plus en plus rapide. Voilà. Limite, c'est un truc qui serait à reprendre aujourd'hui dans un roman. Hein. De toute façon, tout le monde a oublié que Contre-temps existait, donc il peut c'est vrai. Quoi. Après, il n'y a aucun moment où personne ne dit aux scientifiques, mais le pouvoir de faire rajeunir quelqu'un, c'est un peu de la merde, non? Pourquoi tu fais ça? Bah, c'est sûr, vrai, que si tu peux pas contrôler l'arrêt, oui, c'est de la merde. Ah oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, se passe quoi? Tu disparais? Tu t'auto-disparais? Tu retournes dans la matrice? Qu'est-ce qui se passe? Si tu peux contrôler, par contre, c'est un pouvoir que plein de milliardaires rêveraient d'avoir. Hein. Oui, voilà, si tu peux, genre tu t'injectes un produit et hop, tu recules d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, oui, d'accord. Là, comme tel, c'est de la merde. Comment il s'appelle ce milliardaire-là qui dit fièrement qu'il se fait régulièrement injecter le sang de son fils de 17 ans et que il va rester éternellement jeune? Oui, alors, faudra qu'ils comprennent un jour que ça marche pas comme ça, mais... Non, mais le mec, a l'air totalement taré, j'avais fait un peu de recherche. Il a l'air totalement taré. Brian Johnson. À ne pas confondre avec Ryan Johnson. Oui, voilà. Pas la même chose. Un entrepreneur américain de 45 ans dépense environ 2 millions de dollars par an pour se faire transfuser du sang de son fils âgé de 17 ans. Ouais. Voilà. Je pense qu'en termes de génétique, en plus, au bout d'un moment, ça doit créer des trucs bizarres. Je sais pas. Je sais pas, peut-être pas pour le coup, je sais pas, je saurais pas dire. Mais en tout cas, ça fait très Immortan Joe avec ses flammes reproductrices et les pierres dans Fury Road, quoi, d'utiliser son fils comme ça. Très bizarre. Bref. Bref, oui, du coup, une série, ça va être dur d'en dire beaucoup plus. Oui, les effets spéciaux sont dégueulasses, hein, ça, vous attendez pas à des miracles. Mais je maintiens, et du coup, coucou à Nessa sur notre Discord, je maintiens qu'effectivement, la performance de Kes Zarabashka en VO, parce que toi, tu n'as eu que la VF, du coup, est vraiment... ça tient la route, hein. Lui, il s'en sort bien, lui et sa femme. En VF, pour le coup, c'est pas ouf, mais là, je veux bien dire que c'est la faute de la... De la VF, c'est compliqué de juger. Après, lui... moi, j'ai bien aimé la performance du général Cruz. Hein. Moi, le côté Balek, ça m'a apporté un truc, tu vois. C'est juste que c'est pas censé être ça le rôle, je pense. Le personnage, j'avoue, le personnage s'appelle Louis Cruz. Il aurait dû le faire doubler en français par le doubleur de Terry Cruz. Et là, ça aurait été extraordinaire. Ah, là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été extraordinaire. Non mais oui, par contre, voilà, lui et sa femme, les deux personnages, là, enfin les deux acteurs qui jouent ces deux personnages s'en sortent plutôt bien, je trouve. Voilà. Sinon, c'est nul, quoi, c'est mal réel. Après, en soi, on en a pas parlé, mais en plus, oui. Même Felicity Huffman, elle fait pas un mauvais travail dans le rôle de Terry. Oui, c'est vrai, mais bon. Non, on en a pas parlé, mais en plus de ça, c'est mal réalisé. C'est à chaque fois, c'est que des plans fixes, des champs contre champs. Pff, y a rien d'impressionnant, quoi, c'est pérable. Souvent des gros plans parce que les décors sont pas ouf et ils devaient être tout petits, donc voilà. Vraiment, même ça, c'est pérave. La photo, elle est pérave. La BO, elle est dégueulasse. Y a rien qui va, quoi, vraiment. Et donc y a cette fin qui est censée être une vraie fin où tout à coup il arrive à gérer ses pouvoirs et il disparaît en emportant sa femme avec lui en lui disant t'inquiète pas, on disparaît dans le néant, on sera dans un monde meilleur. Terry tue Andrews dans le dos et elle s'éloigne avec et elle s'éloigne avec Cruz, ils vont vivre heureux et baiser toute la nuit, voilà. Sans doute. Et sans doute que la saison 2 devait s'ouvrir sur « Ah, ils ont pas disparu dans le néant, ils ont popé ailleurs sur Terre, et voilà. » Maintenant, du coup, la saison 2, elle aurait dû être sur la fin originale qui, en fait, normalement, ça aurait dû se terminer sur la maison hippie qui brûle. Il n'y a que lui qui aura survécu, quoi. Et que lui qui survit, enfin, en tout cas, pas sa femme, après, la fille, je sais pas ce qui était prévu pour elle. Mais ça aurait dû finir sur ce cliffhanger, et la saison 2, donc, continuer sur leur fuite, j'imagine. Oui. Voilà. Bilan, c'est pérave. Ouais. On trouve une scène. Pardon. Oui, si tu veux. Très bien, donc on vous met une scène où au moins on est sûr qu'on l'a tous les deux déjà. Voilà. Et donc on a choisi la fin, voilà, une belle leçon sur comment qu'on conclut une série quand on a reçu un jour de tournage en plus peut-être, et que clairement c'était pas prévu pour être terminé. C'est parti pour la masterclass. Ne bouge plus. Ici Andrews. Où êtes-vous, Andrews? Je les ai. Venez les chercher. D'accord. Par là. Gina, écartez-vous de lui. Reste contre moi, Gina. J'ai dit écartez-vous de lui ou bien je vous fais éclater la cervelle. Qu'est-ce qui se passe? S'écarte pas de moi, surtout. Alors? Je ne te vois plus, Gina. N'aie pas peur, ma chérie. Moi, j'ai pas peur. Lâchez-le! Tu viens avec moi. Tu viens avec moi. Toi, t'as fait ça. Chercher, Jude. Terry! J'ai tourné dans le mauvais sens! Heureusement que je t'ai entendu hurler! Où sont Harlan et Gina? Mais qu'est-ce qui se passe? D'après vous, on peut espérer avoir une seconde chance dans ce monde pourri? Pardon? Je crois que c'est possible. On en a la preuve, d'ailleurs. Allez, venez. Inutile de rester là, les autres vont bientôt arriver. Terry! Si on oubliait le règlement pour une minute. Pour une minute? Pourquoi pas jusqu'à la fin de notre vie? Voilà, donc, emballé, c'est pesé, hein, c'est... Pour le coup, on a dit que tout était très long, bah ça allait pas, hein, là... Ah oui, c'est expédié, la vache. Ouais. Là, je veux bien que ce soit pas de leur faute, pour le coup, que ce soit de la faute de personne... Et du coup, je pense que c'est même pas King qui l'a écrit du tout, cette fin, hein, mais ça aide pas à un ensemble qui marche déjà pas. En plus, du coup, ils ont même pas eu le temps de trouver un décor agréable à l'œil, parce que le décor est full dégueulasse. Hein. C'est vraiment la décharge en bas de chez eux, je pense. Hein. Enfin, c'est le petit truc de la rivière en bas de chez eux. C'est un tunnel, donc une sortie d'égout qui donne sur une mare immonde. T'as une bagnole totalement fossilisée sur le côté. C'est dégueulasse. Limite, tu pourrais t'attendre à ce que à côté y ait les ratés qui soient en train de faire leur bataille de cailloux avec la bande de Bowers. C'est ça. Le final, bah tu comprends rien. déjà. Bah oui, vu que la disparition, la maîtrise des pouvoirs d'Arlan ne sort de nulle part, littéralement. Voilà, c'est ça. Il commence à briller en vert fluorescent dégueulasse. Alors ça, c'est pour l'aspect nucléaire, hein, qui est pas plus que ça abordé d'ailleurs dans l'ensemble de la série, la menace du nucléaire. Ouais. Alors que ça aurait pu. Non mais c'est dégueulasse, ils sont là, ils brillent en vert, il lui dit t'inquiète pas, ils disparaissent. Lui, Andrews avait fait puis l'autre, Terry, elle arrive derrière, elle lui tire une balle dans le dos et puis voilà, il meurt. Et avant de mourir, je crois qu'il fait un truc genre qu'est-ce que... Et puis il tombe. Et du coup, c'est un agent gouvernemental, elle devrait avoir quelques soucis quand même, quelques trucs à expliquer, Terry, à mon avis, même si c'est le pire agent gouvernemental de l'histoire. Oui, voilà. Des agents gouvernementaux, normalement, elle devrait avoir quelques trucs à expliquer. Vraiment, toute cette séquence mérite un cut dans les Nuits d'Anarland, quoi. Elle est incroyable. C'est vrai, hein, mais d'autres trucs aussi, hein, les yeux brillants et compagnie. Waouh, c'est dur, hein. La scène, j'en souviens en voyant mes notes, je sais pas si tu l'as eu. La scène où ils chantent du gospel, je crois, dans la bagnole, Terry, Arlan et Gina. Oui, alors par contre, la scène est très courte chez moi. Bah, en fait, chez moi, elle est relativement courte, sauf que t'as un début où c'est en pleine journée, ils commencent à chanter, après t'as une autre scène, et ça revient, le soleil est en train de se coucher, ils sont toujours sur la même chanson, on croirait un gag. Genre, t'as l'impression que ça fait 8 heures qu'ils sont en train de chanter leur chanson de merde. C'est peut-être ça, hein. Ils aiment peut-être beaucoup cette chanson, ils savent. Chacun ses goûts, après tout. Oui, non mais peut-être, mais bon. Non mais vraiment, c'est très très nul, hein. Ouais. C'est impossible de conseiller ça à qui que ce soit, c'est très très nul. On va le classer, hein, du coup. Ah oui, voilà, il faut quand même le classer, parce qu'on est des professionnels ici, vous savez. C'est ça. Donc nous n'avons pas de classement livre à faire, nous avons juste un classement film, donc nous avons actuellement 84 œuvres, enfin films et séries classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man, Jorge Valdeciga et Room 237 de Rodney Asher. Plutôt mourir que de revoir cette merde complotiste. Et donc où est-ce qu'on va classer ça ? Oh bah ça va bas, hein. Ça va très bas. Ça va bas, hein. Ça... Ouais, c'est bas, c'est sûr. Alors ça va pas en dessous de Room 237, fatalement. Non, faut pas déconner. Voilà, parce qu'au moins, il n'y a pas le message dégueulasse. Ça va pas en dessous de You Can't Kill Stephen King, parce que c'est quand même mieux réalisé, c'est un peu plus professionnel quand même. Mais ça va bas quand même, hein. Là, je regarde, ce dont je suis sûr, c'est que ça va en dessous du Fléau, parce que même le Fléau, c'est mieux. Ouais, même le Fléau, c'est moins chiant. Même The Mangler 2, hein, c'est moins chiant. Limite même le singe du diable, parce qu'on comprend rien, mais c'est plus court. Oui, voilà. C'est valable de Crouch End aussi, tu me diras ça. C'est à partir de The Mist, en fait, où on peut se poser des questions. Oui, voilà, parce que The Mist, c'est long et il y a le message dégueulasse. Donc. Voilà. Bah, au-dessus de The Mist, finalement. Oui, c'est entre ça. C'est encore moins maîtrisé techniquement que The Mist. Mais au moins, il n'y a pas le message qui pue, quoi. Ouais. Mais oui, en dessous de Crunch End. Finalement, ça aurait été vite. Voilà. Oh, bah, on était d'accord. Hein. Donc, ça donne à cette série la 78e place entre Crunch End et The Mist. C'est très bas. Moi qui me disais, peut-être, on pouvait s'attendre à une très bonne surprise à la façon de Kingdom surprise. Hospital, qui a aussi très mauvaise réputation. Oh, bah là. Ah, la vache. Ouais. C'est le plus bas, je vérifie, c'est le plus bas des scénarios de King. Clairement. Mm. Donc dites-vous que si vous n'avez jamais vu cette série, là, à la fin du podcast, en termes d'enregistrement de notre côté, vous n'en êtes même pas à la moitié de la série. Ben, moi, vous avez même pas terminé le premier épisode qui fait 1h30. Donc bon, voilà. À l'aide. Si vous voulez vraiment la voir, malgré nos avertissements, chopez au moins la version de 4 heures, quoi. Oui, c'est ça, comme faites ça. Faites pas la même erreur que moi. Oui, mais t'as même pas d'avertissement sur Price. Nous, on l'a tous les deux commandé sur Price Minister, on est d'accord, sur Rakuten. Ouais. Il n'y a pas d'avertissement, bah, tu sais pas ce que tu vas acheter. C'est que en fait, comme tout le monde s'en fout de cette série, il y a un mélange complet dans les descriptifs, ce qui fait que même en ayant les descriptifs, je pense qu'il y a moyen de se planter. Bah parce que surtout, la jaquette est la même. Ouais, en plus. T'as ouais, la jaquette qui reprend le visuel de la jaquette des Langoliers, on est d'accord. Ouais, mais après, il y en a peut-être, je crois qu'il y en a deux qui reprennent à peu près le même visuel. Comment en vrai, c'est possible que genre que les il y a deux jaquettes différentes, mais qui font tous les deux les Langoliers dans le style. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être ça, hein. Mais je pense que ça se mélange complètement. Assurez-vous auprès de votre vendeur, dans ce cas-là, de ne pas prendre la version longue. C'est comme les excusez-moi, films de Zack Snyder, surtout pas en version longue. Excusez-moi, est-ce que ce que je vois cette, c'est la version nulle ou la version vraiment nulle? Bon, je pense qu'on va passer au tirage au sort. Je vais aller chercher le chapeau. Vas-y, vas-y. C'est à toi de choisir en premier, donc je mélange, tu me dis stop. Stop. Alors, j'ai un autre qui tombe, mais j'ai un papier. Alors, j'ai chopé un épisode de série, mais dans lequel non, pas de rêve et cauchemar, d'une série d'anthologie, mais dans laquelle King a scénarisé qu'un épisode. C'est Tales from the Dark Side, dans laquelle King a scénarisé, désolé, bon numéro. Le réalisateur est John Harrison, mais donc c'est quelque chose d'assez court. D'accord, et donc c'est un scénario original. Ouais, c'est ça. Je sais plus s'il a été... Parce qu'il y a certains des petits scénarios qui ont été repris dans des recueils de nouvelles. Je sais plus si c'est le cas de celui-là. Ouais, mais il serait repris en mode scénario ou en mode novélisation? Ouais, ouais. En mode scénario. D'accord. Mais voilà, ça va... bah, ce sera assez court pour le coup, hein, parce que c'est vraiment pas long dans mon souvenir. Et moi, je pioche. J'ai un papier aussi. Voilà. La créature du cimetière de Ralph Singleton, adaptée de la nouvelle Poste de nuit. Oui, dans le recueil Danse macabre. Je crois que c'est dans Danse macabre, ouais. Ah ouais. Je le sais parce que tout à l'heure, j'ai, comme par hasard, feuilleté Danse macabre pour voir les nouvelles qui nous restent. Et c'est la deuxième nouvelle de Danse macabre, en fait. Donc, c'est un film de 1990. Je revérifie rapidement. Un film qui, je crois, voilà, est sorti chez nous en DVD. Hein. Enfin, il y a un DVD qui existe. Je crois que c'est trouvable, effectivement. Bon, bah, on verra bien ça. On reste dans des trucs pas mal inconnus, mais je crois qu'il y a beaucoup d'inconnus de toute façon dans ce qui nous reste. Hein. La plupart bah, on a quand des, même fait des classiques, hein, on les a fait. Ouais, ouais. Un gros truc connu, format série qui nous reste, on continue à esquiver les Tommy Knockers. Ouais, c'est ça. Hein, il veut pas tomber. Bah, il reste la suite de Monsieur Mercedes. Ouais. Techniquement, Dolores Claiborne est quand même un peu connue. Mais effectivement, les gros trucs, on commence quand même à avoir fait le tour. Mm. Mais bon, voilà. Donc, dans deux semaines, nous parlerons de Désolé, bon numéro. Et dans un mois, de La créature du cimetière. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Twitter, mais également sur Blue Sky, et pour moi, Chris tire du 6 Lost Tales sur Blue Sky seulement. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord, on met les liens dans la description. Nous sommes sur Twitch, Chris sur la chaîne The Lost Tales, moi sur la chaîne Archiviste du cinéma. Pareil, on sera content de vous voir, et je suis aussi sur YouTube, toujours archiviste du cinéma, et je fais des vidéos sur le cinéma, principalement asiatique. Mm. J'espère que tout ça vous plaira, et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.